ñu nak ñaari femme la won quoi kenn mi ngi tuddu Fanta kenn ngi tuddu Awa Ndiaye waaw bo ñu and nak dem ci ben restaurant quoi waji ñew ne len wa lu ngeen bëgg nonu xam nga waji Fanta tuddu boisson tuddu Fanta amna mu ne ko joxo fo ben Fanta après waji nak defa ne lu ne la benen femme bi ne la lo bëgg mu ne joxo fo ben Awa Ndiaye ben Awa Ndiaye